بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Aujourd'hui on va commencer inshallah ta'ala l'étude d'un poème qui est concis. Il est relativement court, il n'est pas très long, un peu plus d'une vingtaine de vers. D'ailleurs, s'il y en a certains qui sont prêts pour l'apprendre, marhaban, mashallah, essayez de faire, de mettre en place des assises pour ensemble donc la mémorisation de vos poèmes. L'auteur Abdurrahman ibn Sa'di rahmahullah, comme vous le connaissez, un des grands savants de la communauté musulmane, il était d'ailleurs le professeur, l'enseignant du très savant le Cheikh Thaymin rahmahullah. Il a écrit ce poème dans lequel il nous montre, il nous cite plusieurs des stations importantes par lesquelles doit passer toute personne qui chemine vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le titre de ce poème est Sayyiru ilallahi wa daril akhirah, le cheminement vers Allah et la demeure finale. Et donc le cheminement vers Allah, il faut savoir qu'en réalité toutes les créatures, tous les êtres humains du moins, reviendront vers Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre Am hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vous n'allez pas retourner vers nous? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre aussi Ya ayyuhal insan innaka kadirun ila rabbika kadha famulaqi. Ô être humain, innaka kadih, tu vas vers ton Seigneur. Tu vas vers ton Seigneur et tu le rencontreras. Certains savants du tafsir, ils nous disent tu le rencontreras, c'est-à-dire ton Seigneur, et d'autres ils disent c'est-à-dire tes œuvres, ce que tu as accompli, tu le rencontreras dans l'au-delà afin d'être fait moulin. Et donc dans tous les cas nous retournerons vers notre Seigneur. Alors nous devons nous préparer pour ce grand retour, pour ce jugement. De la même façon que pour les examens, ou du moins encore plus. Pour les examens mondains, les êtres humains vont se préparer, ils vont réviser et encore réviser. Est-ce que je suis prêt? Parce que cet examen, il est très important. C'est cet examen qui va déterminer si plus tard je pourrais faire tel et tel métier. Tayyib. Mais concernant Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce que nous nous préparons pour ce grand jour? Sommes-nous passés par les diverses stations par lesquelles nous devons passer afin d'y aller avec un cœur sain à ce rendez-vous, cette rencontre? Et donc, si tu veux voyager, quand on parle de cheminement, il faut aussi parler de route, de voie. Lorsque tu chemines vers un pays ou vers un endroit, tu te prépares, tu t'organises. Alors bon, je vais passer par tel endroit, je vais passer par telle route. Hein? Pour les frères qui viennent du Nord, on se pose à chaque fois la question, est-ce que je passe par l'intérieur de l'île ou par l'extérieur? Et donc, on se pose des questions, on s'organise. Est-ce que j'ai mis de l'essence ou alors je vais mettre de l'essence à l'arrivée? Plein de questions. Taïb, concernant Allah tabaraka wa ta'ala et le fait qu'on va le rencontrer, est-ce qu'on prépare ce voyage? Quelle route doit-on suivre? Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous a montré clairement quelle voie nous devons suivre. Et il nous a mis en garde contre toutes les voies dont nous devons nous en éloigner. Il dit tabaraka wa ta'ala وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ et suis la voie de ceux qui se sont repentis et qui sont revenus vers moi. Al-inaba, le fait de se repentir et de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et suis la voie de ceux qui se sont repentis et qui sont revenus vers moi. On prend ce verset et on va le lier avec un autre verset. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans un autre verset قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ أَنَابَ. Allah égare qui il veut et il guide vers lui, vers la voie de sa satisfaction, ceux qui se sont repentis et qui sont revenus vers lui. Et donc en prenant les deux versets, on comprend que celui qu'Allah a guidé, c'est que forcément il s'est repenti, revenu vers Allah. Et cette personne qui est dans cette situation, alors nous devons suivre cette personne. Puisque Allah, il dit, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَبَ إِلَيْهِ. Et suis la voie de ceux qui se sont repentis et qui sont revenus vers moi. Et donc c'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il pose ici, il nous montre un élément très important. Il nous dit, nous sommes tous d'accord sur le fait que les compagnons, Allah les a tous guidés. Personne ne peut dire non, les compagnons, Allah ne les a pas guidés. Comment ça, Allah les a guidés et il est satisfait d'eux. Et il nous a dit qu'ils ont tous le Jannah. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Certes, Allah était satisfait des croyants, des compagnons, lorsque ceux-ci portaient allégeance en dessous de l'arbre. Et donc, on comprend en liant ces versets, comme il nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, que nous, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ce chemin, cette voie, est une voie qui nous mène à la satisfaction, à l'agrément de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela d'ailleurs, le verset qu'on cite très souvent, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, les prédécesseurs, les premiers, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ, parmi les muhajiroun ainsi que les ansar, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Allah est satisfait d'eux de qui ? Des compagnons et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement. Et donc, si nous voulons revenir vers notre Seigneur avec la satisfaction de celui-ci, et bénéficier des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, nous devons suivre une voie précise qui est la voie montrée par les compagnons qui eux-mêmes ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, anna hadha sirati mustaqim, certes ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Et donc certes, ceci est ma voie dans toute sa rectitude, alors suivez-la. Allah nous ordonne de suivre une voie. Maintenant c'est l'être humain, c'est lui qui choisit. Est-ce que, oui, je vais suivre la voie qu'Allah m'a ordonné de suivre, ou alors je vais prendre une autre. Parce que les gens, beaucoup ne veulent pas suivre. Juste avant de venir ici, normalement je devais arriver un peu plus tôt, mais subhanallah, en sortant de chez moi, il y a une personne qui avait fait la route depuis Saint-Anne pour venir aborder un sujet religieux avec moi. On va lui donner un peu de temps. Normalement, j'avais prévu de prier le Maghreb ici, mais finalement, j'ai pris le Maghreb chez moi. Mais quelle était l'argumentation de cette personne? C'était, j'ai délaissé toutes les religions. Avant, je faisais ci, ça, évangéliste, catholique. Mais au final, j'ai tout délaissé. Pourquoi? Je ne veux pas suivre. Je suis libre maintenant. Je suis libre. Cette ambiguïté que beaucoup de personnes peuvent avoir, on ne veut pas suivre. Je suis d'accord qu'il y a un Seigneur. Ok, d'accord. Notre Seigneur, il nous a créé et il nous a montré ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et donc, nous devons suivre ce qui est bien. Non. Je suis libre, totalement libre. Et parfois, on va trouver cette ambiguïté même chez des personnes qui savent. Et donc Allah, il nous ordonne de suivre sa voie. Faites tabi'u, suivez cette voie et ne suivez pas les autres voies. Wala tattabi'u subul. Fatafarraqu bikum an sabili. Sans quoi ces voies-là, elles vont vous diviser et vous éloigner de sa voie. Ceci est la recommandation qu'il vous a faite afin que vous atteigniez la piété. Et donc il y a une voie à suivre. Quelle est cette voie? Il est important qu'on apprenne quand même. On ne peut pas passer toute vie comme ça. On n'apprend même pas quelle est la voie pour obtenir la satisfaction de mon Seigneur. L'auteur ici, il va nous mener vers diverses stations importantes par lesquelles nous devons passer dans notre cheminement vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla qui dit à son prophète, Kul hadhihi sabili, dit ceci est ma voie. Donc la voie de qui? La voie du prophète. Quelle est cette voie? Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Ça veut dire que donc dans la voie qui mène à la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a le fait d'appeler les autres à suivre cette voie. Mais c'est, j'appelle à quoi? J'appelle à Allah. J'appelle pas au fait de se rassembler avec nos origines, par exemple. Bon, allez, les Martiniquais, on fait un rassemblement entre nous, les Martiniquais. Que les Martiniquais. Hein? Là, c'est pas, là, la personne qui fait ça n'appelle pas à Allah. Elle appelle à son dos. Allez, j'appelle. Non, dans mon groupe, je ne veux que les plaisels. Que les plaisels. Tous ceux qui ne font pas partie de la filiation plaisels, c'est pas la peine. Là, c'est du sectarisme. Et donc, tu ne dois pas appeler à ton groupe, à ton parti ou autre, mais tu dois appeler à Allah Azza wa Jal. Ce qu'il y a dans le Coran et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce à quoi tu dois appeler. Ad'u ila Allah. Est-ce que toute personne va prêcher comme cela, peut se permettre de se lever dans une mosquée, de donner un cours, etc., etc.? Non. Parce que le prophète Allah Azza wa Jal, il nous dit, Kul hadihi sabili, ad'u ila Allah. Ala basira, dit ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tous apprendre. On doit apprendre afin de pouvoir enseigner aux gens. Est-ce que tu peux enseigner aux gens ce que tu ne connais pas? Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu vas enseigner quoi? Et donc, il faut qu'on fasse attention au barakallahu. Ad'u ila Allah ala basiratin. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Qui fait ça? Ana wa man ittaba'ani. Moi, c'est-à-dire le prophète, ainsi que tous ceux qui m'ont suivi. Et c'est là qu'on se pose la question. Je suis le prophète, moi ainsi que tous ceux qui m'ont suivi. Et donc nous devons tous faire l'effort pour apprendre, pour pouvoir prêcher en fonction. Ça c'est très important. Mais on ne doit pas rester là, sans rien faire, laisser les gens dans un égarement, etc. Chacun en fonction de ses capacités, mais nous devons y participer, c'est pour le bien de la communauté. Allah Ta'ala, il nous dit dans son livre, « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum » وَلَا تَتَّبِعُوا مِنِّهِ أَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Suivez ce qui a été descendu vers vous venant de votre Seigneur, mais ne suivez pas de saints en dehors de lui. Vous êtes peu à suivre le rappel. Allah Tabaraka wa Ta'ala a ici un point important. C'est d'ailleurs, un frère m'a posé une question sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, c'est, il y a beaucoup de pensées diverses. Comment je fais pour savoir? Comment je fais? Un tel dit ça, un tel dit ça, un tel dit ça. Et chacun dit, j'ai raison. Tu ne vas pas trouver une personne te dire, attention, je suis un innovateur. Moi, je ne suis pas bon, il ne faut pas me suivre. Tu ne vas pas trouver une personne qui va te dire ça. Mais tout le monde va t'appeler. Comment je fais pour savoir? Moi, je suis tranquille en Martinique, je n'ai rien demandé à personne. Comment je fais? Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit dans son livre, « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum » Suivez ce qui est descendu sur vous venant de votre Seigneur. Ah, ok, c'est ce que je dois suivre. Ça veut dire que si une personne vient avec le Coran, la Sunna, alhamdoulilah. Il vient avec autre que ça, ah non, stop, je ne dois pas suivre. Parce que Allah, il m'a dit de ce qui a été descendu sur nous venant de notre Seigneur. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Et ne suivez aucun saint en dehors de vous, aucun allié, aucun protecteur. Aucun garant en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça veut dire que, ah mais il y a tel cheikh, je l'aime tellement ce cheikh. Je l'aime ce cheikh. Mais il a dit ça, mais dans le Coran on trouve le contraire. On fait comment? On fait comment? On fait comme il a dit l'imam Malik, rahimah. L'imam Malik. Il nous dit, kullu yu'khad min qawlihi wa yutraku illa sahibu hadha al-qabr. Tous, nous pouvons prendre leur parole ou la rejeter. Sauf celui qui est dans cette tombe. Et ensuite, il a montré la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que, peu importe le niveau du shirk que tu connais, ou dont tu as entendu une parole, si cette parole est contraire au Coran, à la sunna, alors tu ne dois pas la suivre, parce que toi, ce que tu veux, c'est suivre ce qui était descendu sur nous venant de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, franchement, les frères, comment on fait pour suivre cette voie si même le Coran on ne le lit pas? Tu te dis, je veux suivre cette voie, je veux suivre le Coran, la révélation. Taïb, le Coran on ne le lit pas. Je peux comprendre. À ce moment-là, je te dirais, oui, c'est vrai, c'est normal que c'est. Ah oui, là ça va devenir très, très, très difficile. Et d'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit dans son livre, Zalika al-kitab ou la raïba. Ceci est le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Une guidée pour les pieux. Comment est-ce que tu peux suivre la guidée si tu ne l'ouvres pas, ce livre? Et qu'est-ce qui arrive si tu suis la guidée? Qu'est-ce qui arrive si tu ne suis pas la guidée? Rappelez-vous ce qu'il a dit à nos parents. Et quand je dis nos parents, qui est-ce que je veux ici? Adam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit Tabaraka wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda, fa man tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Certes, il viendra à vous venant de nous. Et avant, Allah Tabaraka wa ta'ala qui nous dit que ce Coran c'est une guidée. Et donc Allah Tabaraka wa ta'ala, il avait annoncé, il vous viendra venant de nous une guidée. Ceux donc qui suivent ma guidée n'auront pas peur et ne seront pas attristés. N'auront pas peur. Ils n'auront pas peur concernant, et ne seront pas attristés concernant ce qu'ils ont fait, concernant ce qu'ils. Et donc ces gens-là seront apaisés. Allah Tabaraka wa ta'ala, il nous dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allahu Akbar. Celui qui suit ma guidée. Si tu veux suivre la guidée, il faut que tu suives le Coran. Donc déjà, il faut le lire, essayer de le comprendre. Celui qui suit ma guidée ne va pas s'égarer, ne sera pas malheureux. Et donc, on comprend quoi? Celui qui suit la guidée, le Coran, il ne va pas s'égarer, donc il sera bien guidé, premièrement. En sachant que dans le tafsir, ils nous disent, il ne va pas s'égarer. Et donc, ici-bas, il sera bien guidé. Tu veux être guidé? Suis le Coran, ouvre-le déjà, commence par le début. Voilà, yashra, et il ne sera pas malheureux. Il ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Ça veut dire, il sera parmi les. Et c'est ce qu'on va voir dans ce livre, Inch'Allah. C'est ce qu'on va voir dans ce poème. Comment être heureux? Comment être heureux? Comment faire partie des bienheureux, Inch'Allah ta'ala? Et c'est ce qu'on va voir. Le premier vers, il nous dit l'auteur, rahimahullah, Sa'id al-lalina tajannabu subul al-rada, sont bienheureux, sont heureux ceux qui s'éloignent des voies de la perdition. Sont bienheureux, sont heureux ceux qui s'éloignent des voies de la perdition. Wa tayammamu limanazil ridwani, et ils suivent les stations où ils se dirigent vers les stations de la satisfaction. Les stations de la satisfaction d'Allah Tabaraka wa ta'ala. Voilà le premier vers qu'il nous cite l'auteur, rahimahullah. Et donc dans ce premier vers, déjà, il nous montre un point important parmi les caractéristiques des bienheureux, le fait de s'éloigner de tout ce qui nous mène à notre perte. Ça, il n'a pas dit le fait de délaisser, il a dit le fait de nous en éloigner. Il a utilisé le verbe en arabe tajanneb. Ça veut dire que les voies de la perdition sont là et toi tu es là-bas, tu es dans une autre direction. Comme Allah Tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Il a dit ne vous en approchez pas. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça veut dire que toutes les voies qui nous mènent à la fornication, nous devons les délaisser. Toute cause, que ce soit la mixité, le regard, les paroles ou autre, tout ce qui mène à la fornication, nous devons le délaisser afin de ne pas tomber dans ce péché. Et il y a aussi dans ce vers un point important qui est ce que les savants ils appellent at-tasfiya wa at-tarbiya. At-tasfiya wa at-tarbiya. Ce qui est voulu ici, c'est qu'on constate dans ce vers que l'auteur, il a d'abord cité le fait de délaisser les mauvaises choses avant de citer le fait de faire les bonnes choses. Si aujourd'hui, on veut embellir un lieu en rajoutant de belles choses, propres, neuves, etc. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Avant de faire ça, on va nettoyer ce lieu et retirer toutes les mauvaises choses qu'il y a. C'est pareil pour nos cœurs. Avant d'essayer de rajouter les bonnes choses, nous devons déjà retirer les mauvaises choses qu'il y a dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'il a commencé par le fait de délaisser toutes les voies qui mènent à la perdition. Avant d'avoir cité le fait de suivre les stations de la satisfaction. Et c'est pour cela qu'on comprend ça clairement dans « La ilaha illallah ». Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ça veut dire que dans ma croyance, je dois comprendre qu'on retire toutes les mauvaises divinités. On a donc déjà purifié notre cœur de toutes les mauvaises divinités et on en garde une seule. Allah tabaraka wa ta'ala, le seul qui mérite l'adoration. Et donc comme je l'ai dit, barakallahu fikoum les frères, on va voir ici les causes qui nous permettent d'être heureux. Abu Daoud, rahimahullah, il nous cite dans son Sunan, selon Al-Miqdad ibn al-Aswad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna as-sa'id la man junnib al-fitan. Inna as-sa'id la man junnib al-fitan. Inna as-sa'id la man junnib al-fitan. Certes, celui qui est heureux, c'est celui qui est préservé, qui est éloigné des troubles. Certes, celui qui est heureux, c'est celui qui est éloigné des troubles. Certes, celui qui est heureux est celui qui est éloigné des troubles. Et donc, nous devons tous faire en sorte de nous éloigner des troubles. وَمَنِ اِبْتُلِيَ فَصَبَرْ فَوَاهَا. Par contre, celui qui est éprouvé par des troubles, justement, mais par contre, qui est endurant, qui résiste, qui patiente, alors, que cela est bien. Et donc, on veut être endurant, oh, chers frères, nous devons délaisser le mal si nous voulons être bienheureux. Allah tabaraka wa ta'ala, et donc, comme on a dit précédemment, si tu veux être bienheureux, il faut que tu suives le Coran. Il faut que tu suives le Coran. Souvent, les gens cherchent d'autres fois, d'autres méthodes pour être bienheureux. On va aller lire des livres à droite, à gauche, parfois de non-musulmans, parfois... Certains vont aller voir des sorciers, des voyants. Toute méthode est bonne pour être bienheureux. Non. Tu veux être bienheureux? Le Coran. Allah t'a mis tout ce dont tu as besoin. Allah t'a cité tout ce dont tu as besoin pour être bienheureux. Et c'est pour cela qu'il dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ma anzalna al-Qur'an alayka li tashqa. » Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi afin que tu sois malheureux. Et donc le Coran a été descendu sur toi pour que tu sois bienheureux. Mais suis-le, lis-le. Et méditons sur un verset qu'on a vu précédemment. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Famani taba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. » Celui qui suit ma guidée, le Coran, la Sunna, alors il ne va pas s'égarer et il ne sera pas malheureux. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Par contre, celui qui se détourne de mon appel, celui qui s'en détourne, alors il aura vie pleine de gêne, une vie pleine de gêne. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et au jour de la résurrection, nous allons l'amener au grand rassemblement et il sera aveugle. Il dira, « Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors que sur terre j'étais vivant ?» Alors il dira, « De la même façon, nos versets, nos signes sont venus à toi et tu les as délaissés. Alors de la même façon, aujourd'hui, tu es délaissé. » Et donc, on veut être bienheureux, il faut commencer par le début. Déjà, commencer à chercher à comprendre le Coran, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, concernant ces gens, les bienheureux. Et donc, il nous a cité premièrement que ces gens-là, ils ont délaissé toutes les voies qui mènent à leur perte et ils suivent les stations de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il nous dit فَهُمُ الَّذِينَ أَخْلَصُوا فِي مَشْكِهِمْ وَمُتَشَرِّعِينَ بِشِرْعَةِ الْإِيمَانِ. Et donc, ce sont eux qui ont été monothéistes. Ce sont eux qui ont unifié leur Seigneur أَخْلَصُوا فِي مَشْكِهِمْ dans leur marche. Quelle est cette marche? On a dit qu'ici, on va parler d'un cheminement. On chemine vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, dans leur cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont été monothéistes. Ils ont accordé à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Ça, c'est la première caractéristique, la caractéristique la plus importante des bienheureux. Mutashadri'ina bi shir'atil imani. En respectant la législation de la foi. Qu'est-ce qui est voulu ici, dans ce vers? Les deux parties du vers, ce qui est voulu ici, c'est al-ikhlasu wal-mutaba'a. Le fait d'accorder à Allah un culte exclusif et le fait de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de suivre sa législation, de respecter la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux prier, si tu veux donner la zakat, si tu veux jeûner, tout ce que tu dois faire comme acte d'adoration, il est impératif que tu respectes ces deux conditions si tu veux que ton acte d'adoration soit accepté. Il est impératif que tu accordes ce culte exclusivement à Allah, tabaraka wa ta'ala. Pas aux morts, pas aux vivants, pas à qui que ce soit, mais à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et ensuite, il faut que tu respectes la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas adorer Allah comme tu le veux. Bon, allez, ce soir, les frères, Al-Isha, vous aimez Allah? On aime Allah? Ok, on fait 20 rakaat Al-Isha. On ne fait pas 4, on fait 20. Pourquoi? Parce qu'on aime le prophète. On aime. On va montrer au monde qu'on l'aime. On va faire 20. Et pour les plus motivés, Yazid, on fait 100 rakaat pour l'Isha. Hein? 100 rakaat. Juste l'Isha, on n'a pas encore parlé des prières surérogatoires. Et donc, non, je ne peux pas faire ce que je veux. L'Isha, c'est 4 rakaat, pas plus. Je ne vais pas rajouter, je ne vais pas diminuer. Je ne fais pas ce que je veux, ce n'est pas un souk. Et donc, je dois, si je veux que mon acte d'adoration soit accepté, je dois, un, accorder à Allah un culte exclusif, et deux, suivre la sunna de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous dit, « Kul man kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan salihas, wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. » Dit, celui qui espère rencontrer son Seigneur, mashallah. C'est le sujet du poème. Je veux rencontrer mon Seigneur et bénéficier de sa bénédiction, bénéficier de sa satisfaction. Et donc celui qui espère rencontrer son Seigneur alors qu'il accomplisse des œuvres pieuses. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Et qu'il n'adore et qu'il n'accorde aucun associé à son Seigneur dans l'adoration. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a cité les deux conditions, le fait de ne pas faire de polythéisme et le fait d'accomplir des œuvres pieuses. Les œuvres pieuses, ce sont les œuvres qui sont en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Ibn Kathir, rahimahullah, il nous dit dans son tafsir, Ibn Kathir, هَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبِّلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous dit cela, donc les deux éléments cités dans ce verset, ce sont les deux piliers de l'œuvre qui est acceptée. C'est-à-dire, ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. Tu veux que ton œuvre soit acceptée. Tu veux bénéficier de cette salade que tu fais. Tu veux bénéficier du jeûne que tu fais. Tu veux bénéficier des invocations que tu fais. Alors il y a deux conditions. Il nous dit, Ibn Kathir, rahimahullah, il est impératif que l'œuvre soit exclusive pour Allah et qu'elle soit en accord avec la législation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le hadith al-Qudsi, « Ana arna shuraka'i ala shirk, fa man amila amalan, ashraka fihi ma'iya ghayri, taraktuhu wa shirka. » Je suis celui qui se passe le plus du polythéisme. Alors, quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à un autre, je le délaisse, lui et son œuvre. Et donc, si on ne veut pas être délaissé, il faut déjà qu'on accorde à Allah, tabaraka wa ta'ala, un culte exclusif. Et d'ailleurs, le Cheikh Baqi, il a attiré mon attention avant le cours sur un sujet que j'avais totalement oublié. La Toussaint. Le fait qu'aujourd'hui, beaucoup vont se retourner vers les morts, soi-disant des saints, afin que leurs actes d'adoration soient acceptés, afin que leurs invocations soient acceptées. La Toussaint, cette croyance chrétienne. Mais qu'on va trouver aussi ce même problème dans la communauté musulmane avec Idi Foulen, Sidi Foulen, Wali Foulen, etc. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Pourtant, ce mort ne peut rien faire pour nous. C'est lui qui a besoin que nous on invoque pour lui. Lui, il ne peut rien pour nous. Il est mort. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit dans son livre, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur fait aucun mal et ne leur est profitable en quoi que ce soit. Mais ils disent, ces gens-là sont nos intercesseurs donc auprès d'Allah. On a besoin d'eux pour arriver à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est du. Et donc comme on a dit, un point essentiel pour comprendre dans ce premier vers, le fait d'accorder à Allah, dans ces deux premiers vers, le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif et le fait de respecter la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bi'idhnillah, on va continuer la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Juste une petite parenthèse avant de vous laisser prier, parce que l'auteur ici nous dit, wa akhlasu Ce sont eux qui ont accordé un culte exclusif dans fi mashihim, donc de leur cheminement en marchant. Il a utilisé le mot mashihim, le fait qu'ils marchent. Un cheminement à pied, lorsque tu marches, c'est beaucoup plus long que lorsque tu es sur une monture en route. Et donc ici, l'auteur, il nous montre, ici on apprend, ce qu'on apprend, il faut qu'on sache qu'on doit l'appliquer jusqu'à la mort. C'est pas aujourd'hui t'es bien et demain tu fais etc. Non. Cette voie, tu la suis jusqu'à la mort. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin, la mort. Jusqu'à ce que te vienne la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Nous ne sommes pas des adorateurs de Ramadan. Nous ne sommes pas des adorateurs de Shawwal. Nous ne sommes pas des adorateurs du vendredi où on connaît la mosquée le vendredi seulement. Nous sommes des adorateurs d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Adore Allah jusqu'à la mort. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. La semaine prochaine, inshaAllah ta'ala.